Et voici l'humeur de Guillermo Guiz. Oh non. Bravo. Merci. Ça va les amigos? Grave. Oui. Hier matin, je vais sur Instagram pour essayer de déconfiner mon slip. Et en ce moment, c'est dégueulasse. Non mais j'ai l'image. J'en peux plus, Nagui. Non, en ce moment, j'ai la vie sexuelle d'un détecteur de fumée en ce moment. Franchement, ça peut pas durer éternellement. Hein, hey, les gars, ça peut pas durer éternellement cette histoire de Pornhub à 14h là. Franchement, mes voisins, ils font du télétravail, je prends toute la bande passante. Donc, sur Insta, je vois des carrés noirs. Je vois des carrés noirs qui bourgeonnent comme ça en hommage à George Floyd. Et là, direct, je sens que j'ai un dilemme. Comme dans la chanson Should I Stay or Should I Go, mais en français sans la guitare. Parce que d'un côté, comme beaucoup de monde, moi, ce qu'a subi George Floyd, ça m'a fait chialer, c'est un crève-cœur. Mais d'un autre côté, je suis toujours réticent à exprimer ce qui m'indigne sur les réseaux sociaux. La dernière fois, je crois que c'était en finale de la Starac, quand Jennifer a gagné contre Mario. J'avais écrit, de toute façon, Jennifer, ça a toujours été la chouchoute de la prod. Et j'avais tagué Armand Altaï, comme ça, 11 likes. Je peux te dire, ça a fait un de ses boucans à l'époque. Mais depuis lors, j'essaye d'éviter parce qu'une indignation suit l'autre, etc. Je trouve que c'est creux et à la fin, ça devient une espèce de course à la bonne personne, quoi. Moi, je sais que je suis une bonne personne. Honnêtement, humainement, je suis dans le top 3 de cette émission. Franchement, derrière Albert, mais devant Agnès, vraiment. Et faut pas vous décourager, Nagui. Hein. Faut pas vous décourager, Nagui. Pour moi, vous êtes au port du top 20. Pour moi, franchement, la preuve, c'est que pendant le confinement, sur Instagram, chaque jour, vous faisiez un appel aux dons pour des assos qui vous tenaient à cœur. Oui. Zoophiles sans frontières. Non. Les petits climato-sceptiques, Amnesty International pour les criminels de guerre, etc. Non. Là, par exemple, grâce à vous, ils ont pu réengager du personnel. Donc vraiment, on sent que vous êtes quelqu'un de bien. Mais ça pose la question de la manière dont il faut utiliser sa visibilité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 46 000 abonnés sur Insta. C'est quand même 46 000 de plus que Pierre Rabhi, par exemple. Ah, ben voilà. Ah, ben, il n'y est pas. Ben, il n'y est pas. Ah, ben voilà. Mais quand c'est pour chier dans son jardin, il est là, monsieur Rabhi. Hein. Quand c'est pour filer sa routine beauté, il n'y a plus personne. Mais bon, à titre de comparaison, Nagui sur Insta, c'est 350 000 abonnés. Hein? 350. Et moi, j'ai rien contre les gens qui achètent leurs followers, c'est un Nagui. J'ai pas de problème avec ça. Si ça se trouve, ils ont kiffé Maïtaratata dans le sous-continent indien. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai essayé pendant le confinement. Je vous promets que c'est vrai. J'ai lancé un appel aux dons pendant le confinement pour une association que je soutiens qui s'appelle les infirmiers de rue. J'ai récolté 5 euros. C'est bien. De quoi acheter un porte-clé à un SDF pour quand il aura une clé. Vraiment, sérieux. Il y a des sans-abri qui sont inscrits sur Instagram pour m'envoyer t'es une merde en MP. Franchement, vraiment. Et quelque part, c'est mérité. Je vous dis, moi, je suis contrarié par le rapport entre visibilité médiatique et charité, visibilité médiatique et activisme de clavier. En général, je me dis ce qui me révolte, je vais le dénoncer dans mes chroniques. Récemment, mon Osgag, il m'a dit quoi? Je te révolte? Parce que c'est moi qui dénonce le plus souvent. C'est reparti. C'est vrai. Je lui ai dit pas faux, Daniel. Oui, j'ai appelé mon Osgag Daniel. Je vous montrerai bien pourquoi sur Zoom. C'est assez frappant, on dirait des cousins. Mais ça rendrait sur ma conclusion. Laquelle est la suivante? Hier matin, j'ai posté un carré noir finalement sur Insta en me disant que c'était comme un vote de plus dans un espèce de mouvement global contre le racisme. Vous savez ce que ça m'a coûté? Non. Bah Eric Zemmour s'est désabonné de mon compte. Nadine Morano a promis qu'elle viendrait voir mon nouveau spectacle. Toute nouvelle. J'ai envoyé coucou quand est-ce qu'on se revoit Marine Le Pen. Elle l'a même pas lu. Les retombées sont vraiment terribles pour moi. Bah ça m'apprendra à m'engager comme ça contre le racisme. Non, en vrai, je vais vous dire un truc et je vais être très sérieux. En général, je prends le Thalys pour aller à Radio France, hein, et quand j'arrive à Paris, c'est très souvent les mêmes personnes qui se font contrôler à la sortie du train. Je passe à côté en me disant putain, bande de bâtards, mais je passe. Le jour où je m'arrêterai, je me sentirai plus légitime pour poster des carrés noirs. Allez, bonne émission, les amis. Bien.